إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons inshallah un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda du Cheikh Abdussalam Suhaimi hafidhahullah ta'ala. Et nous sommes toujours dans le 7e chapitre et nous nous sommes arrêtés à ce paragraphe dans lequel le Cheikh hafidhahullah nous dit: وإن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف. Et certes, le chemin, la voie qui mène à la réussite ou à l'issue de sortie, si on peut dire l'issue de sortie de la division et de la divergence, هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة وهي الجماعة. Donc l'issue de sortie, la solution pour ne pas tomber dans l'interdit. Ici, en l'occurrence, cet interdit, c'est la division, la séparation, l'éloignement des uns des autres, ce qu'on appelle le schisme, et la divergence interdite pour ne pas tomber dedans. Quel est le remède? Quelle est la solution? C'est dans le suivi du groupe sauvé, de la faction rescapée qui forme le groupe et le consensus. وَهُمُ الَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَى وِفْقِ مَنْهَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابِهِ. Ceux qui suivent, qui sont sur le même chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc on comprend par là que la solution pour être uni réellement et véritablement comme Allah tabaraka wa ta'ala l'aime et l'agrée, ce n'est pas comme disent les frères musulmans ou leurs semblables lorsqu'ils disent leur règle qu'ils croient être une règle d'or alors qu'elle ne l'est pas, lorsqu'ils disent nous mettons en pratique les questions sur lesquelles nous sommes d'accord, en accord, et on s'excuse les uns les autres, là on est en désaccord. Subhanallah, qui leur a inventé cette règle? Elle ne provient pas du Coran, ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La solution, c'est d'être dans le groupe sauvé, c'est d'être dans la faction rescapée, c'est d'être dans le même chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum, de suivre le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et à l'intérieur, si dans des questions, il se peut qu'il y ait des divergences qui sont acceptables dans la sunna, là il n'y a pas de problème et ce n'est pas des questions qui divisent. Mais là, lorsque ce sont des divisions qui touchent le dogme, la croyance, qui touche les fondements de base, les règles de base de la religion, là la divergence n'est pas permise, puisque le groupe sauvé, la faction rescapée, n'ont qu'une seule opinion là-dessus. Donc il n'est pas permis d'amener une autre opinion. Donc lorsqu'ils disent « فَلْنَعْمَلْ فِي مَتَّفَقْنَا عَلَيْهِ » que nous appliquions ce dans quoi on est d'accord, « وَلْيَعْذُرْ بَعْضُنَا الْبَعْضُ فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهِ » et qu'on s'excuse les uns les autres là où on diverge, ce n'est pas une règle reconnue dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et les ulama de la sunna l'ont réfuté. Il y a un cheikh au Koweït qui s'appelle le cheikh Hamad Al-Uthman hafizahullah. Il a un ouvrage où il réfute et il répond aux erreurs qu'on retrouve dans cette règle. Et cet ouvrage, il est même traduit en français. « La ya'diluna an thalik » Jamais ils ne dévient ou ils n'ont un penchant vers un autre chemin que ce chemin sur lequel était le prophète sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. « Wa la yahiduna anhu inna tariq al khalas huwa attiba'u salafi salih qawlan wa amalan wa atiqadan wa adamu mukhalafatihim aw ash-shudhudhi anhum. » Donc le chemin qui mène à la solution véritable, qui mène au remède de ce grand mal qui est la division et la divergence, c'est dans le suivi des pieux prédécesseurs. On les suit, que ce soit dans la parole, dans l'acte et dans la conviction et la croyance. Et on n'a pas le droit d'aller à l'encontre de leur chemin ou de les contredire ou de dévier d'eux. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: et quiconque fait scission avec le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après que l'a guidé, lui soit montré, lui soit clarifié, et suit un autre chemin que le chemin des croyants. Qui sont les croyants au moment de la révélation? Ce sont les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et suit un autre chemin que celui des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné et nous le jetterons dans la géhenne. Et quelle mauvaise demeure! Fattiba'u sabilil mu'minin wa hum as-sahaba واتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة. Donc, de suivre le chemin des croyants, et ces croyants, ce sont en premier lieu les compagnons radiyallahu ta'ala anhum et leurs successeurs, les tabi'in, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière parmi les imams de la guidée. Voilà le chemin de la réussite. وَلِتِّبَاعِ إِنَّمَا يَكُونُ صَحِيحًا بِثَلَاثَةِ أُمُورِ تَتَلَخَّصُ مِمَّا سَبَقَ مِنَ النُّصُوصِ وَهَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةِ هِيَ. Et le suivi, il ne pourra être authentique, il ne pourra être bon que si il comporte, s'il est en conformité avec les textes qu'on a vus précédemment et qu'il comporte trois points essentiels qui vont suivre. Awalan, premièrement, al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam, l'attachement fort, ferme au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, deuxièmement, عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة. De ne pas dévier ni de diverger sur le livre et la sunna. ثالثا, troisièmement, أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. Troisième point essentiel qui suit, c'est les deux qu'on vient de voir: que le suivi du livre, le Coran, et de la sunna soit lié, rattaché à la compréhension des pieux prédécesseurs, non pas la compréhension d'autres. هذا وإن من لوازم الاتباع. Ceci est parmi ce qui suit ces trois conditions sur la question du suivi. Donc vous avez vu pour le suivi. Donc ça ne suffit pas de le dire de la bouche ou de le dire selon des règles qu'Allah n'a jamais révélées, des règles que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a enseignées, des règles que les pieux prédécesseurs n'ont pas appliquées. Trois points essentiels pour être réellement dans le suivi. Le rattachement fort et ferme au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se cramponner au livre et à la sunna, de ne pas diverger ou ne pas se diviser sur la question du livre et de la sunna. On est d'accord que la réponse à nos questions, la réponse à nos divergences, elle se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième point essentiel, que les textes religieux, qu'on ne soit pas des personnes indépendantes dans notre compréhension du livre de la sunna. Des générations nous ont précédés et ils ont reçu le livre et la sunna et ils l'ont compris convenablement. Leur compréhension, c'est la véritable compréhension. Et parmi ce qui suit ces règles, il y a tarkul ibtida'i fi dinillah, le délaissement de l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui dit moi je suis, mais au même moment il innove, celui-là n'est pas un véritable suiveur. Car s'il était un véritable suiveur, parmi les règles de base, il n'innove pas dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu innoves, c'est que tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète a interdit d'innover dans la religion. وقد تقدم جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع. Et nous avons vu précédemment des textes religieux qui nous ordonnent le suivi, c'est-à-dire le suivi du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la voix des pieux prédécesseurs. وتحذر من الابتداع. Et nous avons vu des textes qui mettent en garde contre l'innovation. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a annoncé la bonne nouvelle, la grande nouvelle pour ceux qui restent rattachés fermement et fortement à sa sunna. Et cette belle annonce et cette grande annonce, c'est ce que recherche, c'est le but de chaque croyant. Chaque croyant essaie d'atteindre sa réalisation, celui où il y a dans son cœur un minimum de foi, il recherche cet objectif. Et cet objectif, c'est de gagner le paradis d'Allah et d'être épargné et d'être sauvé du feu de l'enfer. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulallah. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى والحديث رواه البخاري في صحيحه. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui ne le veulent pas. Les compagnons radiyallahu anhum étonnés ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne veut pas entrer au paradis au messager d'Allah? C'est clair, si vous demandez à n'importe quelle personne, tu voudrais entrer au paradis, il va te dire oui. Tu veux entrer en enfer, il va dire non. À part si c'est quelqu'un qui n'a plus sa raison. Tayyib. Et ben voilà la solution. Tu veux entrer au paradis? Tu veux être épargné du feu de l'enfer? Voilà ce qui t'est demandé. Donc les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, mais qui ne veut pas aller au paradis? Quelle est cette personne? Le prophète sallam a dit, celui qui m'obéit entrera au paradis. Celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Donc désobéir volontairement au prophète sallam, c'est que la personne ne veut pas aller au paradis. Voilà l'objectif de cette personne, si vraiment elle était consciente de son agissement. وَأَيُّ إِبَاءٍ وَرَفْضٍ لِلسُنَّةِ أَعْظَمْ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ سَلَّمْ. Et quel est le refus et le rejet de la sunna qui est plus grand que le fait d'aller à l'encontre de son ordre, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète t'ordonne et tu fais le contraire de ce qu'il t'a ordonné. وَذَلِكَ بِالْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ وَلِبْتِدَاعِ فِيهِ. Et ceci, lorsque ces gens en arrivent à inventer dans la religion d'Allah et à innover dedans. قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. Ce compagnon Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, nous avons déjà vu dans un cours précédent cette belle parole provenant de ce grand compagnon, radiallahu anhu, qui dit, vous devez de suivre le chemin et la sunna, car il n'y a pas une personne, il n'y a pas un serviteur qui est en conformité dans le chemin, dans la bonne voie, et il est en conformité avec la sunna du prophète sallam, c'est-à-dire que c'est un sunnite pur. Puis il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle du tout miséricordieux et ses yeux pleurent par la crainte d'Allah, celui-là le feu ne le touchera jamais. Quelqu'un qui est sur le droit chemin et qui a la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et en se rappelant du Seigneur, ses yeux ont pleuré, celui-là, le feu ne le touchera pas. Et de se contenter de ce qu'il y a dans le chemin droit et la sunna est bien meilleur que des efforts accomplis dans la divergence et l'innovation. Wa inna man ta'ammala, là se termine la parole du sahabi radiallahu anhu. Wa inna man ta'ammala nusus al-kitab wa sunna وجد أن البدع في الدين محرمة. Donc, celui et toute personne qui viendrait à méditer les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouvera que les innovations en religion sont bien interdites. ومردودة على أصحابها, et que ces innovations sont rejetées. Elles sont retournées aux innovateurs, ceux qui les ont inventés, ceux qui les ont accomplis. Min ghayri farqin bayna bid'ati wa bid'ah, sans aucune distinction entre telle ou telle innovation. L'essentiel, c'est que c'est une innovation. Et l'innovation, elle est rejetée, elle n'est pas acceptée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle ne rapproche pas la personne d'Allah, mais au contraire, elle l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces innovations, quelles que soient ces innovations, sans aucune distinction, elles sont retournées à leur expéditeur, si on peut dire, la personne qui les a accomplies ou qui les a inventées. Même si, d'un autre côté, les bid'a ne sont pas au même degré dans l'interdiction, puisqu'il y a des bid'a qui sont seulement interdites, mais qui ne font pas sortir de l'islam. Il y a des bid'a, non seulement elles sont interdites, mais elles font sortir de l'islam. وَلِذَا جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الْبِدَعَ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ. Et c'est pour cela qu'on a les textes dans lesquels il y a l'interdiction d'innover, quelle que soit l'innovation. C'est l'innovation en elle-même qui est interdite. Quelle que soit cette innovation. Ceci ferme la porte à toute personne qui viendra dire « Oui, mais c'est pas grave. Non, mais bon, ça va, celle-là, elle ne fait pas sortir de l'islam. » Non, toute innovation est interdite. ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. On retrouve ça dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Et attention, il y a toute nouveauté en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et dans la parole du prophète sallam, celui qui invente dans la religion une chose qui n'en fait pas partie, ceci est à rejeter. فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة. Donc ce hadith nous prouve que toute nouveauté en religion est une innovation. Toute nouveauté en religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement qui est rejeté. Que dire lorsque le sketch qu'ils avaient fait au Bourget, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ce que vous allez voir, vous ne l'avez jamais vu. Alhamdoulilah, il a témoigné que ça n'existe pas. Voilà, donc il le dit au public. Que c'est une nouveauté dans le prêche d'aller faire un sketch, subhanallah. Lorsqu'il a été pris, on lui a dit, mais non, il y a les savants, ils ont parlé de ça. Non, Jibril, il a fait un sketch. A'udhu billah. Jibril, lorsqu'il est venu en forme humaine, c'est ça la preuve qui permet de faire des sketchs. A'udhu billah, qu'Allah nous préserve de tout égarement. Regardez les gens, lorsqu'ils s'égarent, comment ils vont fouiner, chercher dans les textes quelque chose qui pourrait peut-être argumenter leur action. Qui parmi les pieux prédécesseurs a compris le hadith de Jibril comme il l'a compris ? Subhanallah. Qui ? Qui parmi les pieux prédécesseurs, ils ne l'ont pas eu ce hadith ? C'est eux qui nous l'ont transmis. Subhanallah. Jamais quelqu'un n'a compris la compréhension des pieux prédécesseurs. Tu ramènes un verset, un hadith, l'ont-ils compris comme tu me le ramènes ? Car leur compréhension est la véritable compréhension. طيب. ومعنى ذلك et le sens de cela أن كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة c'est que toutes les innovations dans les adorations et dans les croyances et le dogme elles sont interdites. Tu n'as pas le droit de ramener. On parle bien dans le domaine religieux, dans le domaine cultuel, pas le domaine mondain, la vie de tous les jours, le domaine mondain où il y a le progrès, ça ne rentre pas dedans. Là, tu peux innover, tant que c'est des choses qui sont bénéfiques, profitables pour les créatures. Et par expérience, on sait que telle ou telle chose allait bien ou à mal. Tant que ce ne sont pas des choses dont on a un test qui nous l'interdit, on reste dans le permis et on avance. Plus l'époque avance et plus on progresse. Mais dans le domaine religieux, cultuel, la porte est fermée. On applique, on ne fait que ce qui nous est demandé. On n'invente pas. Et on n'invente pas, soi-disant, avec une bonne intention. Tu n'as pas le droit d'innover que tu aies une bonne intention ou que tu aies une mauvaise intention. Non, mais le sketch, ça a ramené beaucoup de public. Beaucoup de gens ont aimé. Mais depuis quand c'est les gens qui te disent l'acte il est bon ou il n'est pas bon ? Subhanallah. Allah a-t-il dit de retourner aux gens de la masse ? Allah nous a-t-il dit de retourner aux ignorants pour leur demander ce qu'il faut faire dans la religion ? Ou alors Allah nous a demandé de retourner aux gens du savoir, aux gens du rappel, ceux qui ont la connaissance du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui savent ne sont pas semblables à ceux qui ne savent pas. Ça, c'est pour quelqu'un qui est doué d'intelligence. Il va le comprendre. Subhanallah. Donc, le public, qu'ils soient nombreux ou peu, ce n'est pas une preuve de la vérité. Qu'ils soient satisfaits ou pas satisfaits, ce n'est pas une preuve de la vérité. Car la vérité, il se peut qu'à un moment donné, tu sois seul à l'avoir. Et que tout le monde est dans le faux. Subhanallah. Donc ça, c'est une conviction. Donc que les gens acceptent ou n'acceptent pas, n'est pas une preuve que tu es dans le vrai. Tu te dois de ramener la vérité de la meilleure manière. De la donner ou de leur faciliter l'acceptation aux gens. Mais tout en restant dans la vérité. Et tu leur ramènes que la vérité. D'employer des moyens que les pieux prédécesseurs n'ont jamais employés, des moyens qui sont à la base, qui nous proviennent des gens de la perversité. C'est quoi le théâtre, subhanallah? Le cinéma, le théâtre, la musique, c'est quoi tout ça? Qui sont ces gens qui sont dedans? C'est le monde des pervers. Ça, tout le monde le sait. Toute personne sensée le sait. C'est parce qu'il y a de l'argent dedans. Enlevez les salaires et l'argent, vous allez voir, est-ce que être acteur ou chanteur est un métier? C'était les pervers qui le faisaient. L'imam Malik, rahimahullah, on lui a dit, il y a des gens qui chantent. Il a dit, on ne connaît que les pervers qui le font. Ça n'existe pas. Toute personne sensée, raisonnable, qui a un peu d'honneur, il n'entre pas dans ces choses-là. Subhanallah. Ça enlève de l'honneur et de la place de la personne. Donc maintenant, c'est devenu comme une mode. Alors que, jusqu'à même maintenant, dans certains pays, être un chanteur, c'est quelque chose de... Ce sont les pervers. Et pour certains, ils disent, c'est telle famille qui sont connues pour ça. Mais les gens de bonne famille n'entrent pas dedans, subhanallah. Jusqu'à pas très longtemps, les gens le comprenaient, ça. Maintenant, les gens, pour de l'argent, ils sont prêts à tout. Même à vendre leur corps, subhanallah. Wal'iyadhu billah. À vendre leur conscience, à vendre leur religion. On en a vu. Salman Rushdie, il arrive, il fait les versets sataniques, wal'iyadhu billah. Il ne vit plus maintenant. Il change de logement 20 fois par mois, je ne sais même pas combien de fois. Subhanallah, il ne vit plus. Taslima Nasrin, elle arrive de Bangladesh. Lui, il est arrivé, je crois, de l'Inde ou du Pakistan. Là, du Bangladesh, elle fait un livre. Même les koufars, ils se sont réveillés. Ils ont dit, attendez, là, à chaque fois que quelqu'un va écrire un livre sur l'islam, il va falloir qu'on le protège. Ça va coûter quand même tout ça. Subhanallah. Les gens, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, viendra une époque où la personne, elle est croyante le matin. Tu l'as laissé le matin croyant. Le soir, il est mécréant. Le soir, tu l'as laissé croyant. Le lendemain matin, il est mécréant. Il vend sa religion pour un vil prix de ce bas monde. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous préserve. Les gens, parfois, quand ils sont dans le besoin, regardez leur conscience où elle les pousse. À quitter la religion, subhanallah. Pourquoi? Pour gagner un vil prix de ce bas monde. Pour une vie qui est éphémère. Même il va vivre combien? Disons, gars, qu'on va le faire vivre une vie de prince ou de roi. Il va la vivre combien de temps? Même on dit 1 milliard d'années. Ben 1 milliard d'années, ça veut dire qu'il y a une limite. Ben viendra un jour, c'est la fin. Mais la vie de l'au-delà, elle est éternelle. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il parle des gens qui cherchent la jouissance dans ce bas monde. Et qu'Allah nous a interdit. C'est vrai, il y a une jouissance dedans. Mais la jouissance de l'au-delà, c'est elle qui perdure. Subhanallah. Et ça, là, elle est éphémère. Donc, celui qui a délaissé ce qui perdure pour l'éphémère, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Au final, quand on réfléchit, ça, c'est une personne qui n'a pas compris. Vous connaissez le hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que ce bas monde, pour le croyant, c'est une prison. Et pour le mécréant, c'est un paradis. Parfois, il y a des musulmans, des croyants, des gens vertueux qui vivent très très bien dans ce bas monde. Et ils ont les richesses. Et parfois, il y a des mécréants, des polythéistes, ils vivent dans la misère. Ils n'ont rien. Subhanallah. Donc, il y a un homme, un juif, est venu voir Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, celui qui a fait Fath al-Bari. Et il lui a dit, je ne comprends pas, il y a un hadith chez vous qui dit que ce bas monde, c'est la prison du croyant. Et c'est le paradis du mécréant. Toi, tu es considéré comme un croyant. Et tu vis bien. C'était un juge au Caire, Ibn Hajar. Alhamdulillah, il était aisé. Et lui a dit, puis moi, je ne suis pas musulman, c'est un juif. Et il dit, puis j'ai rien. Donc, c'est plutôt toi qui es dans un paradis, puis moi qui est en prison. Il lui a dit, non, tu n'as pas compris le hadith. Il lui a dit, le hadith, il veut dire que le croyant, quoi qu'il est dans ce bas monde, il est dans une prison par rapport à ce qu'il attend dans l'au-delà. Mais le mécréant, quoi qu'il est dans ce bas monde, eh bien, il est dans un paradis par rapport à ce qu'il attend dans l'au-delà. Vous avez compris ? Voilà. Ça, c'est... Il faut méditer sur tout ça. Taïeb. Donc, toutes les innovations sont interdites dans les adorations et dans les croyances. وَلَكِنَّ التَّحْرِيمِ يَتَفَاوَتْ بِحَسَبِ نَوْعِ الْبِدْعَةِ. Mais l'interdiction, c'est une interdiction, mais l'interdiction en degré, elle n'est pas la même par rapport à l'innovation. Au final, c'est de l'interdit, mais en degré, les innovations n'ont pas le même degré. فَمِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ صُرَحٌ. Il y a parmi les innovations ce qui est une mécréance claire. Une mécréance claire. وَمِنْهَا مَا هُوَ مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ. Et il y a parmi les innovations ce qui est un moyen de tomber dans le polythéisme. وَمِنْهَا مَا هُوَ فِسْقٌ وَمَعْصِيَةٌ. Et il y a dans les innovations qui est seulement au statut de perversité et de désobéissance. وَإِنَّ الْمُتَأَمِّلُ فِي تُرُقِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ يَجِدُ أَنَّ تُرُقَهُمْ تُخَالِفُ طَرِيقَةَ أَهْلِ الْهُدَى. Et celui qui médite sur les voies des adeptes de l'égarement et de la déviation, il trouvera que leurs voies, leurs chemins sont en contradiction, en non-conformité avec la voie des adeptes de la guidée. قال تعالى, Allah le Très-Haut nous dit, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Allah nous dit dans le sens du verset, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait descendre sur toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a fait descendre sur toi des versets qui ne prêtent pas équivoque. Celui qui les lit ne les peut les comprendre que d'une seule manière et non qu'un seul sens. Ce sont des versets qui ne prêtent pas à équivoque. Parmi lesquels il y a la mère du livre et d'autres versets qui prêtent à équivoque. Donc le Coran, dedans, il y a les versets qui ne prêtent pas à équivoque, qu'on appelle Al-Muhkamat, et on a les versets qui prêtent à équivoque, qu'on pourrait les comprendre comme ci ou comme ça, et c'est ce qu'on appelle en arabe Al-Mutashabih. Ceux qui ont une maladie, une déviance dans leur cœur, ceux-là, ils sont touchés par une maladie dans leur cœur. Ils penchent vers les versets. Ils s'attardent sur les versets qui prêtent à équivoque. Ils oublient les versets qui ne prêtent pas à équivoque. Et ils pensent seulement à ceux qui prêtent à équivoque. En faisant cela, ils ne recherchent que la fitna, le trouble et la discorde. Et ils ne recherchent que son interprétation. Wa fi sahih. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. Et dans le Bukhari et Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, après avoir cité ce verset coranique, lorsque vous verrez ceux qui suivent les versets qui prêtent à équivoque, qui s'attardent sur les versets qui prêtent à équivoque, les voilà ceux qu'Allah a nommés. Voilà ceux qu'Allah a nommés. Ceux sur qui Allah a dit, ceux qui ont un penchant, qui ont une maladie dans leur cœur. Voilà ceux qu'Allah a nommés, alors méfiez-vous d'eux. Le prophète nous met en garde contre ces gens qui ne restent pas dans la droiture, mais ils dévient en s'attardant sur les versets qui prête à équivoque. وقال تعالى Et le Très-Haut nous dit إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ Dans le sens du verset, Allah nous dit « Certes, ceux qui divisent dans leur religion, puis ils deviennent des tendances, des groupes, des sectes, cela, tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'es pas d'eux. » « Wa qala ta'ala, wa la tattabi'u s-subul, fa tafarraqa bikum an sabilih. » Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset « Et ne suivez pas les autres chemins, car ils vous éloigneront du droit chemin, du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. » « Fa'ahammu alamati ahli zayr » Parmi les points ou les signes les plus importants qu'on retrouve chez les gens de la déviance, les gens de l'égarement, on a vu les signes des gens de la droiture, les gens de la guidée. Tout à l'heure, là on voit les signes des gens de l'éloignement et de l'égarement. Awalan, premièrement, al-furqa allati nabbaha Allah 'alayha fi qawlihi innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. La division. La division dont Allah nous a mis en garde lorsqu'il nous dit certes ceux qui ont divisé leur religion puis sont devenus des groupes, cela, tu ne fais pas partie d'eux. Thaniyan, ittiba'u al-mutashabih, le suivi de ce qui prête à équivoque. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayrun, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ceux dont le cœur est touché par une maladie, ils suivent ce qui prête à équivoque. Thalithan, troisièmement, ittiba'u al-hawa, le suivi de la passion. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayr, ceux dont le cœur est touché par la maladie, par la passion. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, dans le sens du verset, as-tu vu celui qui a pris comme divinité sa propre passion? Rabi'an, quatrièmement, mu'aradatu sunnah bil Qur'an, de contrer la sunna avec le Coran. Subhanallah. Tu ramènes des versets coraniques, lui dis ouais, mais le Coran il dit ça. Subhanallah. Tu veux dire par là que le prophète nous enseignait quelque chose de contraire au Coran? Ça c'est le premier point. Deuxième point, es-tu une personne qui ne reconnaît pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme l'école qu'on a, qui a existé, on les appelait le Coran Iyoun. Ils ont dit nous, on ne prend que du Coran. Les hadiths, il y a trop de choses dessus. On ne sait pas. Le Coran, c'est sûr. Et cela n'applique même pas le Coran. Parce que le Coran leur ordonne d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne retournent pas aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment ils comprennent le Coran s'ils ne retournent pas aux hadiths? Comment ils font pour comprendre le Coran? Et ils se sont mis à inventer des règles. Jusqu'à ce qu'il y ait parmi eux qui ont dit que ça n'existe pas quatre rak'at dans les prières. C'est que deux rak'at parce que dans le Coran, on n'a rien qui précise quatre rak'at. Mais il y a des allusions faites à deux rak'at. Et ainsi de suite. Voilà l'égarement où est-ce qu'il emmène. Donc, et on a aussi une parole de Omar ibn al-Khattab radhiallahu anhu qui dit que ceux qui vous contrent avec le Coran, c'est parce qu'ils ont été fatigués avec la sunna. Ils ont eu du mal à apprendre et à assimiler et à comprendre la sunna. Donc ils rejettent ce que vous leur ramenez par le Coran. Wallahu al-musta'an. Et ça, parfois même des anciens, sans le peut-être, bon, on va dire qu'ils ne le font pas exprès. C'est involontaire de leur part. Mais il y a des risques qui tombent dans ça. Lorsqu'ils disent, par exemple, tu lui ramènes un hadith, il dit, écoute, moi dans le Coran, je ne l'ai pas trouvé. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase? Ah, moi j'ai lu le Coran, je n'ai pas trouvé. Subhanallah. Qui t'a dit que l'islam, c'est que le Coran? Donc déjà, il faudrait peut-être qu'ils comprennent que l'islam, ce n'est pas que le Coran. La révélation, c'est le Coran et la sunna. Et lui, il croit que c'est que le Coran. Alors que le Coran te demande de retourner à la sunna. Et le Coran, tu ne pourras le mettre en pratique comme Allah nous le demande, si ce n'est avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Khamisan, bourdou ahlil athar. Voilà. Cinquièmement, un de leurs signes, c'est leur détestement, leur animosité envers les adeptes de la sunna, envers les suiveurs des pieux prédécesseurs. Ils ne les aiment pas. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sadisan, sixièmement, itlaqul alqab sayyi'a al ahli sunna. De lâcher sur les gens de la sunna des pseudos ou des surnoms pour salir et les entacher. Pour les salir et les entacher. Wal'iyadhu billah. Et en toute époque, on a eu le droit à cela. Sabi'an. Septièmement, tarkun tihali madhhab as-salaf. Le délaissement du suivi de la voie des plus prédécesseurs. Ils ne le disent pas, eux. Ils ne disent pas on suit la voie des plus prédécesseurs. Et ça, ils ne le disent pas. Et on en a même, non seulement ils ne le disent pas, et parce qu'ils ne le font pas, mais ils en veulent à ceux qui le disent, qui suivent les pieux prédécesseurs. Et aussi à ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Subhanallah. Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ça c'est en annotation. Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi majmou' al-fatawa. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son recueil de fatwa, il dit « Amma an yakuna intihalu madhhab as-salaf min shi'ar ahli al-bid'a fa hadha batil. » Et en ce qui concerne de se rattacher et de prendre comme chemin le chemin des pieux prédécesseurs, ceci n'a jamais été un emblème des gens de l'innovation. Jamais. Parce que ce n'est pas leur truc. فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرْ مُمْكِنْ. Ceci n'est pas possible que l'un d'entre eux vient le dire ou vient le formuler. إِلَّا حَيْثُ يَكْثُرُ الْجَهْلُ وَيَقِلُّ الْعِلْمُ. Sauf si c'est dans un endroit où les gens sont pris vraiment dans l'ignorance et qu'il n'y a pas de science. Alors les gens, ils ne connaissent même plus rien, ils ne savent plus rien. Ils croient que ce qu'ils voient, ça c'était comme ça qu'ils étaient les plus prédécesseurs. Mais sinon... là où la science elle est là, tout le monde sait que ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. Et eux-mêmes, ils ne le prennent même pas comme emblème. Qult, l'auteur Abdussalam Suhaimi Hafidhallah dit, je dis قَدْ وَقَعَ فِي عَصْرِنَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ. À notre époque aussi, il y en a, on a eu des gens qui ont prétendu être sur la voie des pieux prédécesseurs. Alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Il l'a prétendu, mais il ne l'est pas. بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة والتي بعضها على فكر الخوارج اسم السلفية. Il y en a même qui ont donné à certains mouvements, certains partis d'aujourd'hui, ils leur ont donné l'étiquette contemporain, ils leur ont donné le titre de salafi. Alors que certains parmi eux, ils sont dans l'idéologie des khawarij, les takfir et autres. Comme en Algérie, comment il s'appelait le mouvement avant de s'appeler le Qaïda? Et c'était quoi? Le groupe salafiste, subhanallah. Alors qu'ils n'ont rien de salafi, subhanallah. Et ils salissaient le terme salafi avec ces actions-là. Et la preuve comme quoi c'était qu'un terme qui était pris comme ça, c'est qu'après ils l'ont délaissé pour un autre titre, pour le Qaïda. Tayyib. وزعم أن القاسم المشترك بينهما هو السلفية. Et ceux qui ont fait cela ont prétendu, ceux qui ont donné ces titres à ces mouvements et à ces partis mensongèrement, ils ont prétendu que tous ces mouvements, leur lien commun, c'est la salafia. Eux, ils sont spécialisés dans ça, eux dans ça, eux dans ça, dans ça. Mais le point commun entre tous, c'est la salafia. Ça, c'est une personne qui n'a pas compris qu'est-ce que la salafia, à la base. C'est comme ceux qui disent, la salafia, العلمية وسلفية الجهادية. La salafia du djihad et la salafia dans la science. Certains s'occupent de la science et d'autres s'occupent... Cette distinction faite-là, elle existait à l'époque des prédécesseurs? Ça n'existait pas. C'est un mensonge. C'est un leurre pour détourner les jeunes de la droiture et du bon chemin. Et ça, c'est le résultat de la propagation de l'ignorance, l'augmentation de l'ignorance et du peu de savoir. Comme l'a bien précisé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ou alors, ce qui est voulu par là, c'est de faiblir la fermeté qu'il y a chez les salafis. At-tamyi', c'est le relâchement, une forme de laxisme. Que non, en fin de compte, eux aussi c'est bon, ils sont dans le droit chemin. Et puis eux aussi c'est bon, on va arrêter d'être dur dans le droit chemin. Cette forme de laxisme, on l'appelle tamyi'. Tamyi', de la da'wa salafiyya, qui est basée sur le livre et la sunna authentique, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils font cela pourquoi? Pour faire entrer dans la salafia des sectes, des tendances, des partis, et les entrer dans le cercle d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Comme dans le domaine de l'aqida, beaucoup prétendent que l'Asha'ira, l'Ash'ariya, ce sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Et après, il y en a qui ont su que ce n'était pas vraiment eux, Ahl Sunnati wal Jama'a. Mais, ce n'est pas grave, ils font partie d'Ahl Sunnati. Non, non, non. Qu'ils soient proches d'Ahl Sunnati wal Jama'a en comparaison à d'autres tendances dans le domaine dogmatique, soit proches, mais ils ne sont pas. Ils ne le seront que lorsqu'ils se sont purifiés de toutes ces déviances dans le domaine du dogme et qu'ils ont le même dogme que les pieux prédécesseurs. Thaminan, huitièmement, تكفير مخالفيهم بغير دليل. C'est qu'ils taxent ceux qui vont à l'encontre de leur idéologie de mécréants, sans aucune preuve évidente. Et ça, c'est propre aux sectes égarées. Chacune rend mécréant l'autre. Chacune rend mécréant l'autre. Alors qu'à le sunna, les gens du droit, du juste milieu, ils ne rendent mécréant que celui dont on a les arguments qu'il est. On n'a pas d'argument, il peut être pervers, il peut être innovateur, et ainsi de suite. Mais mécréant, c'est lorsque c'est, il y a les preuves claires et évidentes. Ibn Taymiyyah, rahmallah, même l'imam Ahmed ibn Hanbal disait, et beaucoup mieux on dit, les innovateurs disent des choses. Si nous, on les dit, on devient mécréant. Parce qu'on le dit en sachant la gravité, l'erreur qu'il y a dedans. Mais eux, ils le disent parce qu'ils interprètent mal les textes. Il leur trouve une excuse pour ne pas les faire sortir de l'islam. Mais ce sont des innovateurs. Et les gens de la sunna disent, les 72 sectes vouées à l'enfer sont dans le cercle de l'islam. Sont dans le cercle de l'islam. Parce que s'ils quittent l'islam, ils ne font plus partie des 72 sectes égarées. Les 72 sectes égarées sont toujours dans l'islam. Subhanallah. Mais ils sont égarés. Et s'ils meurent ainsi, ils sont voués au feu de l'enfer pour le temps qu'Allah leur a prescrit. Subhanahu wa ta'ala. Tasi'an, neuvièmement, al-ijmal fi mawadi' tahtaju ila tafsil wa bayan wa al-qiyas ala ma yassih ma la yassihu al-qiyas alayh. Neuvièmement, un aussi de leurs signes, et ça aussi c'est parmi les gravités, c'est qu'ils parlent vaguement, un langage vague, là où il est demandé de détailler. Là où il est demandé de détailler, ils vont te parler vaguement. Ça, c'est pour induire en erreur. Comprendra celui qui voudra comprendre. Mais s'il se fait prendre, il dit, mais non, tu ne m'as pas compris. Je ne voulais pas ça, je voulais ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lorsqu'on parle, on parle clairement. Il ne faut pas parler un langage dont le lendemain, tu te sens obligé de te justifier ou de t'expliquer. Ça, c'est une maladie, ça. Et ça, c'est un problème. Les koufars, parmi les politiciens, ils sont connus pour ça. Mais les sectes aussi, ils sont connus pour ça. Et un bon musulman, il doit être clair. Il n'a rien à cacher, subhanallah, dans son dogme, dans sa pratique. Il n'a rien à cacher, il est clair. Et vous avez des gens comme ça qui, par exemple, ils disent, c'est quoi le problème des salafis? Ah oui, ils parlent mal des ulama. Tu pourrais préciser c'est qui les ulama? C'est vague comme terme, les ulama. C'est qui? Cite les noms. Non, je ne cite pas les noms. Voilà encore un problème. On a dit, j'ai une fatwa. Qui t'a donné la fatwa? Non, je ne dirai pas son nom. Pourquoi tu ne dis pas son nom? Subhanallah. C'est parce qu'il se dit, si je sors le nom, eh ben, les gens vont savoir de qui je prends ma religion. Ça, des exemples comme ça, on en a plein dans la communauté. Et ça, c'est une maladie. Ce n'est pas bien. Les gens doivent parler avec clarté. J'ai appelé tel chir, il s'appelle un tel. Voilà ce qu'il m'a dit. Je lui posais telle question, il m'a dit un tel. J'ai lu tel ouvrage, j'ai trouvé telle chose. Mais de jouer à cache-cache, ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Ce n'est pas un jeu. C'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qui dit que tu n'es pas dans l'erreur et que la personne qui est en face de toi va te démontrer que cet ouvrage, il y a des erreurs dedans, que des savants ont parlé, ont mis en garde. Et ça, c'est un bien pour toi, subhanallah. Donc pourquoi te cacher? Tayyib. Et parmi aussi leurs signes, c'est qu'ils font des comparaisons analogiques. Une comparaison analogique, c'est par rapport à un point. On fait une comparaison, on voit que ça se ressemble, que la finalité, elle se ressemble, et on lui donne la même règle. Mais eux, là où ils l'appliquent, ce n'est pas applicable. Le ulama de la sunna leur prouve que ça, ce n'est pas comparable à ça. Vous avez cru que c'était comparable, mais en réalité, ce n'est pas comparable. Et Al-Qiyas fait partie des fondements de la religion. Mais ce n'est pas n'importe qui l'applique. Ce sont les gens qui en ont les compétences de le faire. Ça, c'est un point. Et ce n'est pas toute comparaison analogique qui est acceptable. Car il y en a qui ne sont pas acceptables. قال الإمام أحمد رحمه الله. L'imam Ahmed ibn Hanbal رحمه الله a dit ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. Il dit, il est demandé, il est une obligation pour celui qui parle dans la religion de s'éloigner de deux fondements qui sont les paroles générales, globales et l'analogie. وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. Et il a dit aussi l'imam Ahmed, rahimahullah, là où les gens se trompent le plus, c'est dans l'interprétation et dans l'analogie. Qult, donc l'auteur, Abd Salam Suhaimi, hafizallah, dit, je dis, ma dhakarahu l'imam Ahmed, rahimahullah, min at-tahdhiri min hadhain al-aslain fi al-fiqh, dalil ala annahu fi bab al-aqida yakunu tajannubu dhalika awla wa ahra. Ce qu'a cité l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dans sa mise en garde contre ces deux fondements dans le domaine du fiqh, de la religion, est une preuve que l'application de cela dans le domaine du dogme est encore plus grand. C'est-à-dire que si les personnes n'ont pas à le faire, ces erreurs, n'ont pas à les commettre dans le domaine religieux du fiqh, que dire alors dans le domaine du dogme? Car le dogme est encore bien plus important. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.